Un papillon s'est posé là sur mon épaule, comme s'il trouvait que c'était le meilleur endroit pour s'arrêter un court instant, faire une pause. Et moi je n'ai plus osé faire le moindre pas. Il reste là, sans remuer ses deux ailes, se sont figés comme insensibles au moindre vent. Dans la lumière, il donne une image irréelle, et ses couleurs le sont encore plus fortement. Petite chose guidée sur moi par le hasard, comme si c'était pour m'obliger à faire la pause, pour me forcer à chasser toute idée morose. Ont souvent flotté mes yeux dans un brouillard. À cet instant, je ne perçois plus autre chose. Il est si beau dans sa robe aux couleurs sublimes. Il semble immense et petit à petit s'anime. Offrira mes yeux une vision grandiose. Et puis le voilà qui s'envole vers un ailleurs. Je le suis du regard comme pour le garder, ancré au fond de ma mémoire et de mon cœur. Un simple papillon vient de me faire rêver.